La chasse aux Anglaises, lettre d'un voyageur, de Richard Lesclide. Je viens vous raconter, mon ami, le plus doux et le plus terrible épisode de mon voyage en Suisse, voyage qui m'a fait revenir de bien des préjugés. Les montagnes, entre nous, c'est toujours la même chose. Il ne vaut pas la peine d'en aller chercher loin de Paris. Montmartre est très pyrénéen et le Mont-Valérien est suffisamment alpestre. On ne rapporte de Suisse en réalité que la conviction que Guillaume Tell n'a jamais existé. Il est dû à la collaboration de Schiller et de M. de Jouy. Rossini l'a mis en musique. Croire qu'il est le libérateur de la Suisse est d'une naïveté absolue. Il est simplement en cinq actes. Véritablement, il n'y a qu'une chose de vraiment curieuse à voir dans ce pays, ce sont les jambes des Suissesses. J'en ai admiré, non pas mesuré, qui n'avaient pas moins de 90 cm de circonférence à leur point culminant. Une vraie architecture égyptienne, des pilastres coniques renversés et quel soubassement, ou plutôt quel couronnement, qui donc peut fabriquer des jarretières à ces prodigieuses créatures. J'ai rencontré sur Lütliberg un âne et un ami, Cyprien, ce blond et charmant artiste qui vient chercher ici des motifs d'aquarelle. De l'âne, je ne dis rien, l'un portait l'autre. Nous avons résolu de poursuivre notre voyage ensemble, pour avoir le plaisir de parler français et de regretter Paris à tous les points de vue. Nous avons mis nos bagages en communauté. Cyprien apportait d'ailleurs un trésor de notre association, un rêve exquis, deux Anglaises entrevues dans les glaciers, deux voyageuses ravissantes qui traversent la Suisse en touriste avec un guide majestueux. Deux anges que j'ai aperçus pour la première fois il y a 8 jours et dont je suis éperdument épris. Deux Amazones hardies, sveltes, fières, insaisissables, qui franchissent les versants et les cimes et donnent le vertige aux yeux comme au cœur. Il ne fallait rien moins que leur apparition pour me faire persister dans la fastidieuse promenade que j'accomplis à travers l'Oberland bernois, où l'on risque de se casser le cou pour voir des glaces, qu'il est bien plus agréable de prendre chez Tortoni avec une carafe d'eau frappée. Depuis que nous poursuivons, Cyprien et moi, ces deux cygnes échappés de l'étang britannique, notre voyage a pris un intérêt puissant. Il ne nous a pas été difficile de savoir leurs noms. Avec la rage, qu'ont tous les hôteliers de vous apporter leurs albums d'autographes. À l'hospice du Grimsel, nous avons lu ces deux indications précieuses, « Time has wings »,« Arabelle W. » et plus bas, « Nevermore, Ellen ». En faut-il davantage pour conclure que ces deux créatures d'élite sont aussi intelligentes que belles? Arabelle rectifie d'une main hautaine la vulgaire devise anglaise « Le temps est de l'argent ». Elle dit « Le temps a des ailes ». Et sa blonde amie Ellen, qui semble un diminutif de sa compagne, soupire le mot désespéré de Poe « Jamais plus ». Nous verrons bien. C'est d'Arabelle que je suis amoureux. Et je ne sais vraiment pourquoi, car elles sont toutes deux plus belles l'une que l'autre. Arabelle, sous son feutre Louis XIII, un peu déformé par le mauvais temps, un air de reine auquel je n'ai pu résister. C'est une grande dame dans l'acception la plus exquise du mot. Les deux voyageuses sont vêtues pareillement d'un costume spécial fait pour leur expédition aventureuse. Une veste collante à revers trahit les richesses de leur corsage. Leur jupe s'arrête aux genoux, des guêtres, boutonnées étroitement, dessinent leurs jambes élégantes. Par-dessus la jupe, leur toilette est complétée par de larges pantalons de velours, moins discrets qu'ils ne voudraient l'être. Tout cela forme un ensemble divin et pittoresque. Ah, quand les Anglaises s'avisent d'être belles, elles n'y épargnent rien. J'oubliais des carabines de chasse, passées en bandoulière, et de longues piques à crochets qui donnent une allure martiale à leur grâce féminine. Un guide bénévole, d'un imposant aspect, est chargé du bagage des étrangères et de deux vastes manteaux qui leur permettent d'affronter les bourrasques des hautes régions. Les guides, les hôteliers et les servantes du pays ne sont pas insensibles aux séductions de la pièce de 5 francs, dont le culte est fort répandu en Helvétie. Pourtant, nous n'avons pu obtenir que peu de renseignements sur ces fières créatures. Elles sont d'humeur farouche et ne se laissent point approcher. Elles échangent leurs idées dans cette mystérieuse langue anglaise que personne n'a jamais bien entendue. C'est dans un jargon inintelligible qu'elles s'extasient sur les beautés de la nature et les merveilles de la flore alpestre. Une soubrette futée, nièce de la Ketley de M. Scribe, nous a fait quelques confidences sur leur compte. Elle assure que ces dames parlent quelquefois de messieurs anglais qui les attendent au retour et se raillent mutuellement sur l'impatience qu'elles éprouvent de les revoir. Cyprien est parti de là pour bâtir un roman qui a des côtés plausibles. Il affirme que nous avons affaire à deux fiancés enterrant leur vie de jeune fille avant de se livrer à leur futur retenu au rivage. La situation de ces belles personnes, courant les montagnes comme la fille de Jephthé pour pleurer sur leur virginité, nous a paru singulièrement intéressante. Grâce à nos menées, nous avons pu deux ou trois fois nous placer auprès d'elles aux tables d'hôtes des auberges où nous les avons comblées de prévenance et de soins. C'est à peine si nous en avons obtenu de vagues inclinations de tête. Elles n'ont commis qu'une maladresse, celle de feindre de ne pas entendre le français, cette langue maternelle de tous les gens comme il faut. J'en ai profité pour échanger avec Cyprien des paroles enthousiastes qui ont fait monter le rose aux joues des deux jeunes étrangères. Pour nous punir de notre rouerie, elles ont quitté la table. Ketly s'est chargée de déposer discrètement sur leur cheminée des bouquets de roses des Alpes, de boutons d'or et de glaïeuls, avec des sonnets cueillis sur la montagne. C'est une manie de Cyprien. Elles ont jeté les fleurs par la fenêtre et les sonnets aussi. Arrivé dans les solitudes de Grimsel, steppe neigeuse que bouleversent si bien les ouragans que l'hôtel de l'État y prend le nom d'hospice, les sévères Anglaises ont résolu d'en finir avec nos galanteries. Elles nous ont député leur guide, chargé de pouvoir. Ce magnifique montagnard s'est présenté avec émotion. Il venait nous demander, au nom de ces dames, quelle route nous comptions suivre afin d'en prendre une différente. Nous l'avons fait asseoir, il a bu avec nous. Faut-il tout dire? Nous l'avons soudoyé. Il n'a pu s'empêcher de convenir qu'un voyage qui réunirait les jeunes dames à ces messieurs serait plus sûr et plus agréable pour tout le monde, d'autant que le temps était incertain. Nous l'avons renvoyé, parfaitement stylé, déclaré à ces voyageuses que notre route était précisément celle qu'elles choisiraient. Notre allié revenu, porteur d'un billet qui disait très nettement ce qu'il voulait dire. Miss Arabelle W. et Miss Ellen D. espèrent que deux jeunes gens, qui leur paraissent bien élevés, respecteront leur incognito et se désisteront d'une poursuite ridicule. Il y avait « ridiculous », le mot était dur. Ces indomptés crurent nous avoir réduits au silence. Le lendemain, elles partaient aux premières lueurs de l'aube. Nous les suivions d'assez loin, assurés de les rattraper au saut des échelles, qui n'est pas seulement difficile, mais dangereux. En effet, nous les avons retrouvées en face de roches surplombantes qu'il s'agissait de gravir perpendiculairement. Elles hésitaient. Nous les avons timidement abordées. La charmante Ellen a rougi. Arabelle s'est écriée avec un accent de dépit. « Vous ne voulez donc pas nous laisser libres, messieurs ?»« Libres ? » ai-je répondu. « Quand c'est nous qui sommes vos esclaves ?»« Voyons, » a-t-elle ajouté, « parlons sérieusement. Nous tenons absolument à ce que vous nous quittiez. » Comme elle disait cela, en nous regardant avec des yeux incomparables, comme sa poitrine avait des soulèvements divins, j'ai balbutié. « C'est impossible, plutôt mourir. »« Prenez garde, » a-t-elle répliqué en pressant le canon de sa carabine. Elle était superbe d'allure. C'est sous l'empire d'une indignation sincère que ces dames se sont accrochées aux échelles. Elles les ont gravies d'un coup de jarret dédaigneux. Je ne sais quel mépris du sexe fort ressortait de leur intrépidité. Nous les avons suivies en regardant leurs jambes. Cependant, le temps se gâtait. Les échelles conduisent à une gorge où le vent fait les 100 coups. Un quart d'heure après, une rafale de neige couchait à terre comme deux poupées, nos Anglaises enveloppées dans leurs manteaux. Leur guide ne savait à laquelle courir, je crus la partie gagnée. Nous nous précipitâmes vers les voyageuses affolées et les emportâmes dans nos bras, bon gré mal gré, vers un refuge voisin. Elles ne perdaient pas connaissance et protestaient contre notre intervention. Le guide alluma du feu pendant que nous les entourions de soins respectueux. Elles gardaient le silence. Arabelle prit enfin la parole. « Je vous sais gré, dit-elle, du service que vous nous avez rendu, mais nous nous serions relevés sans vous. Nous ne vous marchanderons pas notre reconnaissance, à condition que vous ne nous suiviez pas plus longtemps. Il est temps que cette plaisanterie finisse. Quittons-nous, bons amis. Je ne puis être votre amie, miss, vous êtes trop belle. Ah, fit-elle, c'est une étrange tyrannique, la vôtre. Nous sommes engagés, puisque vous voulez le savoir. Nous vous dégagerons. Comptez-vous donc nous suivre en Angleterre, au bout du monde, s'il le faut ?» Pendant ce temps, Cyprien prêchait Miss Helen dans le même sens. Je sais qu'il la fit rire en lui jurant qu'il ne la laisserait pas emporter par le vent. La tourmente s'était apaisée. Arabelle fit un signe impérieux au guide qui se chargea des bagages et partit. Les voyageuses s'éloignèrent, nous clouant au sol d'un regard implacable. « Laissez-nous, » dit Arabelle, « c'est une dernière sommation que je vous fais. Laissez-nous, je vous le conseille, ou nous saurons nous faire respecter. » On respecte toujours ce qu'on aime. Cela devient tyrannique à la fin. Pourquoi nous aimez-vous? Qui vous en a prié? Hélas, mademoiselle, nous n'avons pu nous en empêcher. Je vous préviens, répondit-elle, que si vous nous poussez à bout, nous nous ferons justice nous-mêmes. Faites, répondis-je. Elle marchait à grands pas. Nous nous élançâmes sur leurs traces. Ce n'était pas seulement par obstination. Le ciel s'assombrissait à vue d'œil. De sourds grondements parcouraient la montagne. Il pleuvait au-dessous de nous. La tension électrique était extrême. Nos Anglais se fatiguaient visiblement. Nous nous rapprochions d'elles, espérant que la tempête les jetterait encore dans nos bras. Elles étaient à 100 pas de distance et paraissaient discuter avec vivacité. Soudain, nous les vîmes se retourner, frémissantes, épauler leurs carabines et nous coucher en joue. « N'avancez pas ou je fais feu !» cria Arabelle. Cyprien répondit « Messieurs les Anglais, tirez les premiers !»« Comme à Fontenoy, » voulus-je dire. Je n'achevais pas, une détonation retentit, je tombais, frappé d'une balle à l'épaule. Cyprien me relevait quand nous vîmes accourir les voyageuses éplorées. « Vous ai-je fait mal ?» disait Arabelle. « Je ne voulais que vous faire peur, mon Dieu, mon Dieu !» Le sang qui rougissait ma chemise lui fit monter les larmes aux yeux. « Je croyais que c'était pour rire, » disait Helen, qui n'avait pas tiré. Cependant, on défaisait mon habit. « Ce ne sera rien, » fit Arabelle en voyant ma blessure. « Je vous soignerai. Mais quel entêtement aussi !»« Je vous aime, Arabelle. Encore ?»« Toujours. Vous finirez par me le faire croire. »« Mais vous n'êtes pas blessée, vous ?» disait Helen à Cyprien qui se jetait à ses pieds. « Ce n'est pas ma faute, miss. Prenez votre carabine, je vous prie. Où voulez-vous que je me place ?»« Pour quoi faire ?»« Pour tirer sur moi. » Elle se mit à rire. « Que vous dirais-je ? La bataille avait commencé comme à Fontenoy. Elle finit de même. » Ainsi s'achève « La chasse aux Anglaises » de Richard Lesclide.